Bienvenue à Méloman, l'émission pour vous, les fous de la musique sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ FM ou encore en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du 31 août 2016 de Méloman. Et oui, dernière émission du mois d'août, mais aussi première édition à 20h, parce que oui, Méloman va dorénavant occuper une nouvelle case horaire à partir d'aujourd'hui, soit de 20h à 22h, pour donner une petite chance à Méloman qui fait un retour à l'école. Donc, une heure de moins, mais aussi une heure plus tôt, chose qui devrait plaire à ceux qui sont obligés de se coucher un petit peu plus de bonne heure en quart de semaine, comme ça. Donc, vous n'avez plus aucune raison de manquer l'émission, c'est ça la bonne nouvelle. Et en plus, ce soir, imaginez-vous donc qu'on fête déjà le premier anniversaire de Méloman. Et oui, ça fait déjà un an qu'on se côtoie comme ça tous les mercredis, public fidèle. Et je veux saisir l'occasion, évidemment, pour vous remercier encore une fois d'être là comme toujours. C'est cliché, mais c'est vrai. Sans vous, ça n'existe pas. Donc, c'est bien le fun de voir qu'il y a encore des passionnés de musique un peu partout. Et là, voyez-vous, ce soir, on fête ça avec certaines pièces parmi les plus belles qu'on a entendues à l'émission au courant de l'année. Évidemment, vous vous doutez que c'est une tâche impossible. Donc, on va être indulgent. L'important, c'est de s'amuser. Mais aussi des trucs qu'on n'a jamais entendus. Bref, sans plus tarder, on passe ça en ce premier anniversaire de Méloman. 99.1 CFNJ. Yeah.

Mais danser dans la rue, ça n'est plus défendu. C'est la fête, la fête. En liberté, je vous le dis, c'est le paradis. C'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui. On a les yeux écarquillés sur la liberté. Et la liberté, c'est la fête, la fête. Fête. Here are several fine young men who I'm sure are gonna go far. Ladies and gentlemen, the Ramones. Ah, these minstrels will soothe my jangled nerves. I'd just like to say this gig sucks. Hey, up yours, Springfield. One, two, three, four. Go to hell, you old bastard. Hey, I think they liked us. Have the Rolling Stones killed. Oh, sir, those aren't... Do as I say. Yesterday she cried. Took off her glasses, let her hair down, cried. Oh, au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 Et oui, donc Méloman qui a le cœur à la fête ce soir parce qu'on célèbre, imaginez-vous, déjà le premier anniversaire de l'émission. Le temps va vite. Nouvelle plage horaire aussi, je le répète, si jamais il y en a parmi vous qui viennent de joindre à nous, l'émission qui va dorénavant être en onde à partir de 20h jusqu'à 22h pour me donner une petite chance pour l'école. Nico et Claude qui ont été ben blood, comme on dit, de m'arranger ça pour qu'on puisse continuer à se donner rendez-vous le mercredi soir. On les remercie beaucoup. Et là, comme on disait, premier anniversaire de Méloman ce soir qu'on a souligné allègrement dans le dernier bloc. Et une très, très belle pièce qu'on vient d'entendre. Certainement une des découvertes de la soirée. On vient d'entendre en 68 l'excellent groupe The Idle Race avec The Birthday, donc à cette circonstance. The Idle Race qui est encore un groupe duquel Jeff Lynne a fait partie juste après les excellents The Move et juste avant le fameux Electric Light Orchestra, donc des petits bijoux cachés comme ça. Il y en a plein dans les années 60. Et on n'a pas fini d'en découvrir ensemble. D'ailleurs, on avait quand même exploré beaucoup les années 60. Juste avant ça, on a aussi entendu les Ramones nous souhaiter un bon anniversaire, ou du moins à M. Burns, parce que ça nous provenait d'un fameux épisode des Simpsons, Rosebud de 1993, épisode inspiré en grande partie par Citizen Kane d'Orson Welles. On a aussi entendu évidemment Michel Fugain et son Big Bazaar en 73 avec La Fête. Très approprié encore une fois, qui suivait dans la même veine Cool and the Gang avec Celebration de 1980 et tout ça amorcé par qui d'autre que les Beatles avec bien sûr Birthday, tout simplement, première chanson du deuxième disque de l'album blanc de 68. Et là, on va y aller sans être trop exhaustif non plus de trucs qui ont marqué notre année mélomane, en commençant par quelqu'un qui a marqué l'année tout court, l'année de tout le monde, évidemment, vous avez sûrement deviné qu'on parle de feu Monsieur Bowie au 99.1 CFNJ. Stone love, she kneels before the grave, a brave son gave his life to save a slow gun that hovers between the headstone and her eyes, for they penetrate her grieving. New love, a boy and girl are talking new words that only they can share in you. Love so strong it tears their hearts to sleep through the bleeding hours of morning. Love is careless in his choosing, stooping over blossom daily. Love descends on those defenseless. Idiot love will spark confusion. Inspirations have I not, just a touch for flying dove. All I the word and told of love, and how my God on high is all love. The reaching of my loneliness evolves by the blindness that surrounds him.

de danser le tango. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. Mmh. She winked her eye and she made a pass at me. She winked her eye and she made a pass at me. So if she's got to be your woman, brother, she's the one you want to see. 'Cause she denied that wedlock tied her down. 'Cause she denied that wedlock tied her down. She was acting 16, that's why I hung around. Oh, but I did. Back here no more. What? No, sir, I didn't mean it. She asked me, I didn't ask her. Et là, on vient d'entendre tout un bluesman, mesdames et messieurs, toujours en ce premier anniversaire de Méloman, bien sûr, sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ. Donc, Clarence Gatemouth Brown, qu'on avait entendu, vous l'aurez deviné, dans notre Méloman Blues du 3 février dernier. Tout un guitariste très, très expressif, qui est malheureusement pas aussi connu que certains autres, mais prenez ça en note vraiment, Clarence Gatemouth Brown avec l'excellente She Winked Her Eyes de 1973, qui était précédée des magnifiques Toon Weavers, les Toon Weavers qui sont un groupe du genre des platters un peu pour se faire une idée, qu'on avait entendu ici avec la toute de circonstance Happy Happy Birthday Baby de 1957. Très belle chanson, indépendamment du fait que ça soit pour souligner l'anniversaire de l'émission ou non. Et on a aussi entendu des habitués, les Ventures, en 62, avec le tango Hernando's Hideaway. On en avait parlé un petit peu du plus longuement du tango dans notre très particulier varié sac à surprise au mois de mai dernier. Et donc, les Ventures qui, eux, suivaient Sacha Distel, qui lui aussi parlait de tango, entre guillemets, parce que vous aurez sûrement compris qu'il y avait des petits sous-entendus dans tout ça. Donc, Sacha Distel avec Il y en a qui font ça de 1966, qui suivait la toujours bienvenue Mr. Big Stuff de Gene Knight en 71, chanson qu'on avait entendue pour une première fois lors du fameux spécial Surf and Turf consacré à la musique surf, mais aussi à l'étiquette de disque Stax, d'où nous vient Mr. Big Stuff. Et évidemment, on ne peut pas parler de l'année 2016 sans parler du grand départ spectaculaire de M. Bowie, qui nous manque déjà beaucoup et qu'on ne se lassera jamais d'entendre comme ici avec Soul Love, qu'on a entendu du fameux Ziggy Stardust de 1972. Et nous, on continue avec notre petite rétrospective. On s'est arrêté dans plusieurs pays cette année, entre autres pour une émission complète au Brésil. Question de se préparer aux Olympiques, j'imagine. Donc justement, on écoute un petit air qui nous vient originalement du Brésil. Tout ça au 99.1 CFNJ. Quand tu chantes, tu ne sais pas pourquoi. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, ça va. À l'instant du réveil, pour des joies futiles, pour la pluie, le soleil, et pour l'impossible, il y a des matins plus mélancoliques, t'en fais pas trop pour la République, il faut laisser passer la musique. Quand tu chantes, même si ça ne va pas, quand tu chantes, et la route longue. Un jour pour le temps qui passe, pour un jour de fête, pour un jour de fête. Pour chanter ce qu'on a dans la tête, on n'a pas besoin d'être un vrai poète. Quand tu chantes, tu ne sais pas pourquoi. Quand tu chantes, ça va. 99.1 et 88.9 CFNJ. Your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman. I can't leave you alone. We'll be right back. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Bye-bye. self-eating. I think we're going to find it hard. Now we've got them. I've always said that. Cash, cash, cash can do anything well. Work can be rewarding. When a flash of intuition is a gift that helps you excel. centre et sud de la Naudière, c'est partiellement nuageux et peut-être quelques averses ou orages pour les prochaines heures, un minimum de 12 degrés. Jeudi, alternance de soleil de nuages, maximum 23, et ensoleillé pour vendredi, maximum de 23 degrés aussi. Et les secteurs du nord, Saint-Michel et les environs, nuageux, 40% de probabilité d'averses au cours des prochaines heures, un minimum de 12 degrés. 40% de probabilité d'averse aussi jeudi, maximum 22, et ensoleillé vendredi, maximum 22 degrés. CFNJ 99.1. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais on s'est promené pas mal dans le dernier bloc. C'est pas nouveau, mais quand même, là, on a navigué à travers quelques spéciaux qu'on a fait au cours de l'année. Parce que c'est le premier anniversaire de l'émission, et oui, déjà, mais donc des chansons qu'on a déjà entendues, d'autres non, comme celles qu'on vient d'entendre, d'ailleurs, qui a juste, on pourrait dire, évoqué, si on peut dire, le spécial prog qu'on avait fait, soit Get Him Out by Friday, du fameux Foxtrot de Genesis en 72, avec Peter Gabriel qui nous raconte une histoire qui culmine en 2012, donc le futur pour 72, où le contrôle génétique annonce que les humains devront pas mesurer plus que 4 pieds pour pouvoir en rentrer deux fois plus dans des tours à logement. Et ça, c'est juste une des nombreuses histoires que Peter Gabriel pouvait raconter du temps de Genesis. Donc, ça vaut la peine de découvrir si ce n'est pas déjà fait. Il y a encore beaucoup de gens qui connaissent juste le Genesis de Phil Collins. Que voulez-vous? Phil Collins qui était là, d'ailleurs, à ce moment-là, mais sur la batterie, au back vocals aussi. On a aussi entendu le chef-d'œuvre de Saint-Preux, compositeur français toujours vivant, concerto pour une voix, version Mirla Castellanos de 74, parce qu'il y a eu plusieurs versions. Donc, nous, on a entendu la version de 74. Donc, pas très longtemps après Genesis, justement. Mais on est revenu un peu en arrière avec la version originale de Black Magic Woman de Fleetwood Mac, première mouture en 68. Vous le savez, je vous en ai souvent parlé, Fleetwood Mac a eu plusieurs incarnations. Et non, c'est pas Santana qui a composé Black Magic Woman originalement, même si on fait une très belle version plus latine par la suite. Un vestige aussi du fameux spécial Surf, Crash du groupe The Creations en 64, qui suivait la magnifique version de Xavier Cugat, légende de la musique latine de T42, que tout le monde connaît en 1961. Et tout ça amorcé toujours du côté latin des choses, mais au Brésil, cette fois-ci, avec Celebration Suite, donc encore dans la célébration due au premier anniversaire de l'émission. Donc Celebration Suite d'Ayrto Moreira en 77, légende du genre, on en avait parlé plus longuement, et d'un air qui nous vient aussi du Brésil, mais version française, de Nana Mouskouri avec Quand tu chantes de 76. Mais nous, on continue parce que 2 heures, c'est pas très long, vous le savez. En plus, moi qui ai l'habitude de buster mes 3 heures, imaginez-vous 2. Donc, on poursuit, bien sûr, nos célébrations du premier anniversaire de Méloman. Tout ça au 99.1, CFNJ. For your wife, so for my personal part of you, get an ugly girl to marry you. A pretty woman makes her husband look small, and very often causes his downfall. As soon as he marries her, then she starts to do the things that will break his heart. But if you make an ugly woman your wife, you'll be happy for the rest of your life. An ugly woman could feel content, she'll always give you peace of mind. If you wanna be happy for the rest of your life, never make a pretty one for your wife. So for my personal point of view, get an ugly girl to marry. Don't let your friends say you have no taste. Go ahead and marry anyway. Though her face is ugly, her eyes don't match. Take it from me, she's a better catch. If you wanna be happy for the rest of your life, never take a pretty one for your wife. So for my personal part of you, get an ugly girl to marry you. Say, man, hey, baby, I saw your wife the other day. Yeah, yeah, she's ugly. Yeah, she's ugly. day. Happy day. Oh, a happy day. Oh, happy day. When Jesus wore. Jesus wore. Oh, when he wore. I'm

si c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas connu d'autre garçon que toi. Si j'en ai connu, je ne m'en souviens pas. À quoi bon chercher, faire des comparaisons? J'ai un cœur qui sait quand il a raison. Et puisqu'il a pris ton nom, toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je sais très bien pourquoi. On ne sait jamais jusqu'où ira l'amour. Et moi qui croyais pouvoir t'aimer toujours. Oui, je t'ai quitté et j'ai beau résister, je chante parfois à d'autres que toi, un peu moins bien chaque fois. Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. Mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. Toujours au 99.1 et 88.9 CFNJ, où on fête déjà le premier anniversaire de Méloman avec comme ça quelques chansons qu'on a pu entendre au fil de l'année, dont celle qu'on vient d'entendre, Mon amour, mon ami, de Marie Laforêt, qu'on avait entendue, imaginez-vous, lors de la toute première émission de Méloman. Mais la chanson était magnifique bien avant ça, en 68 en fait. Un petit chef-d'œuvre comme plusieurs autres de Marie Laforêt que je vous encourage vraiment à découvrir si vous aimez. Et juste avant ça, un peu plus musclé quand même, un classique de Scorpions, mais dans les années 70, parce que Scorpions, c'est un peu comme Fleetwood Mac. Ils ont eu toute une autre vie avant celle qu'on connaît le plus. Donc Fleetwood Mac ont une vie dans les fin 60, début 70, mais on les connaît plus fin 70. Et donc ici, Scorpions, plus précisément 77, Scorpions qu'on connaît beaucoup mieux dans les années 80. Mais on les a entendus ici avec The Sales of Sharon, avec l'excellent premier guitariste de Scorpions, Uli John Roth, qui s'est entre autres inspiré de Caravan de Duke Ellington pour la pièce. Comme quoi tous les genres s'entrecroisent, mais ça on le sait déjà, on voue notre vie à ça, à Méloman, à montrer ça. Et on a aussi entendu, toujours en 77, mais complètement un autre style, une magnifique, magnifique chanson d'Anne Sylvestre, avec un texte fabuleux, soit Les gens qui doutent, qui suivait un classique presque cliché, là, amérindien, Annie Cooney, version classique de Madeleine Chartrand en 73. Et parce qu'aujourd'hui, c'est un jour heureux, celui du premier anniversaire de l'émission, on a eu droit aux Edwin Hawkins Singers avec Oh Happy Day de 69, une pièce à saveur gospel qu'on avait entendue dans notre spécial sur le mois de l'histoire des Noirs. Et tout ça qui a parti avec If You Wanna Be Happy de Jimmy Soul en 63, une de mes préférées personnelles. Donc, on voit qu'on a exploré plusieurs styles à chaque semaine, même qu'on a déjà exploré le jazz. 99 ans, CFNJ.

Life is what you make it, so don't ever try to break it. Stop crying over me, darling. Crying every night. You know for you my love is true. Stop crying over me, darling. Crying every night. You know for you every word I say is true. Wipe the tears from your eyes and don't cry. C'est déjà pas mal là-dessus que risque de se terminer notre spécial premier anniversaire de Mélomane sur les ondes de CFNJ, qui coïncide avec la nouvelle formule de l'émission de 2 heures. Donc, c'est pour ça que ça passe très vite. On n'a même pas effleuré la surface de tout ce qu'on a exploré cette année, vous vous en doutez, mais quand même, quelques belles sélections comme Stranger Cole qui nous a ramené à notre spécial Jamaïque avec son excellente reprise des Guess Who, These Eyes Cry Every Night en 71. Une petite escale au Mali aussi avec Amadou et Mariam et Sabali de 2008. Un classique de l'émission et classique tout court de Moustaki avec l'intemporel Il y avait un jardin, encore une fois de 71. Et les seuls et uniques Beatles dans leur jeune temps avec l'incomparable Babies in Black de 64 qui suivait l'iconoclaste Thelonious Monk avec le dorénavant standard Straight No Chaser de 1951. Ce qui m'amène à vous dire d'écouter, en fait, à vous inviter à écouter une toute nouvelle émission. Je croyais que c'était une émission de jazz, on m'avait dit une émission de jazz, mais en fait, c'est une émission de blues sur les ondes de CFNJ qui commence ce soir même, donc juste après Mélomane, qui va jouer tous les mercredis à 22h avec Ghislaine Boursier, faire une musique juste après Mélomane. Donc, on va écouter ça ensemble, c'est certain. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi. N'oubliez pas maintenant à partir de 20h. Donc, en vous souhaitant une bonne fin de soirée, je vous laisse. Imaginez-vous avec la suite de notre bien-aimé thème Green Onions de Booker T et CMG, soit Mo Onions, donc plus d'oignons. Et qui sait, peut-être une petite surprise après, une petite surprise ou deux. Après, toujours, toujours au 99 ans. CFNJ, bonne semaine à vous. them. That's right. Hope you like your present. And a one, and a two, and a one, two, three, four. Lisa, it's your birthday. God bless you this day. You gave me the gift of a little sister, and I'm proud of you today. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. I wish you love and goodwill. I wish you praise and joy. I wish you better than your heart desires. And your first kiss from a boy. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. Yeah. Oh, this is the best present I ever got. Thank you, Bart. glimpse in all of the hearts of people. We'll make the dream become a reality. I know we will. Because our hearts tell us something.